La Bible David Martin 1855. Livre de Malachie le prophète. Malachie chapitre 1. La charge de la parole de l'Éternel contre Israël, par le moyen de Malachie. Je vous ai aimé, a dit l'Éternel. Et vous avez dit, en quoi nous as-tu aimé? Ésau n'était-il pas frère de Jacob, dit l'Éternel. Or j'ai aimé Jacob, mais j'ai haï Ésau, et j'ai mis ses montagnes en désolation, et son héritage pour les dragons du désert. Que si Édom dit, nous avons été appauvris, mais nous retournerons, et rebâtirons les lieux ruinés, l'Éternel des armées dit ainsi, ils rebâtiront, mais je détruirai, et on les appellera, pays de méchanceté, et le peuple contre lequel l'Éternel est indigné à toujours. Vos yeux le verront, et vous direz, l'Éternel se magnifie sur ceux qui sont aux frontières d'Israël. Le Fils honore le Père, et le serviteur son Seigneur, si donc je suis Père, où est l'honneur qui m'appartient, et si je suis Seigneur, où est la crainte qu'on a de moi, a dit l'Éternel des armées, à vous, sacrificateurs, qui méprisez mon nom. Et vous avez dit, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Vous offrez sur mon autel du pain souillé, et vous dites, en quoi t'avons-nous déshonoré? C'est en ce que vous dites, la table de l'Éternel est méprisable. Et quand vous amenez une bête aveugle pour la sacrifier, n'y a-t-il point de mal en cela? Et quand vous l'amenez boiteuse ou malade, n'y a-t-il point de mal en cela? Présente-la à ton gouverneur, t'en saura-t-il gré, ou te recevra-t-il favorablement, a dit l'Éternel des armées. Maintenant donc suppliez le Dieu fort, afin qu'il ait pitié de nous. Cela venant de votre main, vous recevra-t-il favorablement, a dit l'Éternel des armées. Qui est aussi celui d'entre vous qui ferme les portes? Car n'est-ce pas en vain que vous faites brûler le feu sur mon autel? Je ne prends point de plaisir en vous, a dit l'Éternel des armées, et je n'aurai point pour agréable l'oblation de vos mains. Mais depuis le soleil levant jusqu'au soleil couchant, mon nom sera grand parmi les nations, et en tout lieu on offrira à mon nom le parfum, et une oblation pure, car mon nom sera grand parmi les nations, a dit l'Éternel des armées. Mais vous l'avez profané, en disant, la table de l'Éternel est souillée, elle est ce qui en revient, sa viande est méprisable. Vous dites aussi, voici, oh, que de travail, et vous soufflez dessus, a dit l'Éternel des armées. Vous amenez ce qui a été dérobé, ce qui est boiteux et malade, vous l'amenez, dis-je, pour m'être offert. Accepterai-je cela de vos mains, a dit l'Éternel. C'est pourquoi, maudit soit l'homme trompeur qui, ayant un mâle en son troupeau, et faisant un vœu, sacrifie à l'Éternel ce qui est défectueux, car je suis un grand roi, a dit l'Éternel des armées, et mon nom est redouté parmi les nations.